D'abord, vous écoutez tranquillement chez vous des voix claires et amicales qui vous parlent dans un langage simple. D'abord, vous écoutez tranquillement chez vous des voix claires et amicales qui vous parlent dans un langage simple. Les trottoirs et les dames tannées font la queue avec eux à ce qu'on s'éclate dans la grande halle. À part elle, les passants se promènent. Ils aiment qu'on les aime, qui savent pas s'ils aiment. Ils portent leur dégaine, consignés à part comme des vieilles bouteilles. Quand on vit, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.